zetu ni mkaka. Bala pinate Ebene gani Marene minate Bisakio Mavali na mazozo Karoko ye Brigitte Makanda Zerotu Nancy Watch Mikaku Ikolo ya bebe Bakosale na kaya imusaka teso kina nozi yeteo. Ce n'est pas possible. La sultane violente du ciel. Mikaku Ikolo ya bebe Bakosale na kaya imusaka teso kina nozi yeteo. Ea zode yele Marie-Claire Kande Marité et Boulogou. Est-ce que nous parlons? Gracias. Thomas Serra.